garçon, c'est pour moi. C'est la dame qui prend repos. Oui, gain de moment. Belle petite promenade dans auto. Oui, ma près des bons dieux. Pour me s'ajoigner un bébé. Petit parole tout petit. Parmi voisinage, pièce, mon patente. Tellement caresse la douce. Petit mon voisinage, pièce, mon patente. Garçon, c'est pour moi. C'est la dame qui prend repos. Oui, gain de moment. Belle petite promenade en auto. Oui, ma près des bons dieux. Pour me s'ajoigner un bébé. Si parole tout petit. Parmi voisinage, pièce mon patente. Tellement caresse la douce. Si mon voisinage, pièce mon patente. Oui, ma relè, bon Dieu dans ciel. Si n'a point garçon ici, yon bel bébé tan kou Gislaine, mais son femme kap karesse. Oui, ma relè, bon Dieu dans ciel. Si n'a point garçon ici, yon bel bébé tan kou Gisèle, mais son femme. Cap caressel nan pays pam nan point bagay comme ça pays pam faut pas commander femme pas commander femme pas commander pam faut pas commander oh il n'a pas été avec femme nan pays pam faut pas commander mais c'est femme c'est femme c'est femme ouyé nan pays pam faut pas commander mais quand le bagay femme mais ka mo gen femme avec il est mais tout bagay changer tout bagay changer tout bagay changer m'a obligé pas Mwen pale pou ou ou fè trop bagay. Mwen pale ki lè wap korije. Ou pap korije ou pap korije. Ale ki lè fè tout bagay chanje. Le prêcher roulière. Gardez-nous. Nous remets la ma prêcher. Nous remets ça. Nous remets ça. Nous remets dans des ma palais. Ma palais net. Net. Net. Où la température a changé. Où la sinon l'autre ambiance nous est. Ambiance facile. Ou la même sans question de saucisse. Bon, gardez non. Ou qu'on est gros camion quoi. Gros camion Ford là, les blanches là. Di gon kok en boîte derrière. Et puis gon l'autre petit camion kok. Petit camion tout rouge. Petit camion marqué en monko. Nous gon wèl, il n'a plus avec lui. Mais devant ça, c'est gros camion dérivé. Au gros le gros camion ça, c'est lui même qui toujours prend saucisse en monko pour le porter. Non. Maquette. Yon jou samedi, kamyon ko a chaje ak sosis. Lap desann vin bay la vil. Kamyon dirap anko. li passe devant poste gazo. Belle gasoline. Li descend. Il prend la Lidouya, il descend. Il rive Boasco, il descend. La pour aller toujours. Il rive bon monument des Salines. La passe. Il rive dans Carrefour ce matin. La descend. Il passe Bogar. La foule descend toujours Jean-Béry Timas. Rue Macajou. Rue de César. Rue des Fonfort. Rue Bonnefoy. Le moment pour le déboucler. Rue des Miracles. C'est le moment. Je viens de la lumière rouge. Chauffeur par la lumière rouge là. Chauffeur foncé. Mais, t'es un automobile qui sortit en bas dans la rue des Miracles. Pour Banque Canada qui a râlé monter. Mais plus que chauffeur, quand même, quoi, il y a la lumière rouge, il fonce. Mais automobile là, même si la lumière vert, il y a un droit de passage, il fonce trop. Il fonce. Oh oh! Avec qui mon âme font collision? Avec quand même, quoi? Chauffeur, quand même, quoi, même, font coup de volant. Bredé a détaché. Il tombe dans le ciment. Go! Saucisse gaillée. Saucisse? Mais gros, c'est saucisse, yo. Mais l'on gagne saucisse, yo. Saucisse? Saucisse? Oh oh oh. Mais, t'es qu'on femme. Ou malheureuse, ou bonne malheureuse. Kavek. Li chita baga le ribata. Koto kon wè ma chan pisach. Chan yo kon chita, ma chan suret yo. Malheureuse a chita la, li vlo reti men la pmande. Tout moun ki la bon ti 20 centimes ou ti 15 kob li pweni. Mais la vek, pop malheureuse. Pendant que tu as détaché dans le camion, tu tombes dans le ciment. L'aime tout ça, saucisse volée. Mais quoi, son saucisse, tu as tombé dans l'estomac, malheureusement. Malheureusement, pop! Tu prends saucisse là. Tu roules. Tu roules saucisse là. Loulel, loulel. Faut m'en aller, oui! Si tout le monde pas mourir, mes chauffeurs a mourir. Deuxième page. Regardez non. Cool, à côté de moi, je vais danser. Moi, je vais danser. Et vous n'avez pas quelqu'un qui est là, qui n'est pas dans des ordres. Petit mounio. Et moi-même, regardez côté de moi, je vais chanter dans des ordres. Mais ou bien avec moi, puis je ne vais pas plomber non. Vous comprenez? Pas plomb maintenant. Pas plomb maintenant, du tout. Comprends? Bien avec vous. Mais, faut me raconter ce petit mounio. Il y a des questions non pas poser. Il y a des questions parfaites pour poser en vie. Tandis ça, monsieur Divia. Mon chéri, depuis des mois, je vais l'emballer avec vous, je vais danser avec vous, bagaille, son série de bagaille. Nous courons, nous faisons la go, nous allons cacher ensemble. Ou faire comme ça, faut qu'on s'attende, vous comprenez? Mais il paraît que ma passé même au Tijan bataille, moi au Tijan comme d'ado, il y a un monde qui manquait fourniture. Il a dit, oh, ça veut dire fourniture. Ça veut dire fourniture. Oh oh. Puis il a saisi. Il a dit qu'il y a des questions pas faites pour poser. Quelle question poser là? Parlez-moi clair. Soit dit non, parlez-moi clair. J'ai dit, ma chère, pas grand, il y a pour cacher vous. Ma vous vérité. Comment? Moi, tant qu'on m'a dit, on m'a dit aux petits gens, pour comprendre, quand on m'a dit, cheveux. Petit fille a saisi, la petite fille a tombé crié, même là. Il m'a dit, depuis l'audio, je m'appelais d'aller en balade avec vous, c'est la qualité de question à poser. Même depuis toute vérité, peut-être tout le bagage, je ne vais pas cacher, rien. De Dieu, mes conditions, où est vieille? De maman, quand elle fait de maman, j'ai ma zoom belle. dodo, vem dodo chérie. Vem dodo. Deuxième mamie, deuxième chérie. Vem dodo. Vem dodo, vem dodo, vem dodo. Vem dodo. Pam nan pran bagay kon sa. Nan peyi pa fòk pa komande. Fòm pa komande, fòm pa komande. Nan peyi pa fòk pa komande. Wo, yon nou paret avèk fòm. Nan peyi pa fòk pa komande. Mè se fòm, mè se fòm, mè se fòm ouye. Nan peyi pa fòk pa komande. Mè kon bè gen fòm, mè koupe gen fòm. Alè ki lè fè tout bagay chanje. Tout bagay chanje, tout bagay chanje. Mè oblige pale maman pou. Mè pale pou ou fè trop bagay. Mè mande ki lè wap korije. Ou pap korije, ou pap korije. Corriger. Allez, qu'il aimait tout bagage changer. Tout bagage changer, tout bagage changer. Allez, qu'il aimait tout bagage changer. Tout bagage changer, tout bagage changer. Allez, qu'il aimait tout bagage changer. La chèle. La chèle de maille. La chèle même demi-maille. La île. La chèle. Passez le boulot. On va pas cacher pour capter dans ce coin. Sorti boulot, toi, huitième. La guille. La pété dans mes mains. La guille, on va attendre des abdos. La chèle. La guille, petit boulot. Fais-moi que mes longs. On va pas la guille. La guille. Regardez non, ça climatait comme ça. Ah bon, c'est flashou. Bon, ok.